Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, dans une chaise longue, à la pêche à pied, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire. Cette semaine, Sommes-nous libres de nos habits ? Une série d'Emmanuel Paul réalisée par Christine Robert. Au départ de cette série, il y a le plaisir de fouiner dans la penderie de sa grand-mère et de tomber sur le carré de soie bleu canard qu'on lui a toujours connu. Et puis surtout, il y a cette éternelle question, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui pour me sentir invulnérable, conquérante ou briser des cœurs ? Alors pour commencer, les personnages, une femme active et essoufflée, un garçon de café très coquet, une demoiselle d'honneur en vert, une corsetière, une ministre en robe fleurie, une autre en tailleur, une consultante et une spécialiste des habits politiques. Ensuite, le décor. Un dressing multicolore, des cabines d'essayage, une boutique de robes de soirée, une petite robe bleue, des lavalières, des gaines, des boutons de manchette, la gare du Nord et un mariage à Kinshasa. Aujourd'hui, premier épisode, on monte les escaliers. Vous arrivez directement de votre boulot ? Oui. Ah oui. Vous avez pas mangé ? Directement. Non, mais bon, c'est pas grave. Je trouverai tout l'après-midi pour déjeuner. Vous êtes une femme super occupée. Non, le problème, c'est que je suis pas une femme super occupée. Je suis quelqu'un qui a envie de tout faire. Et il y a un dicton que j'aime beaucoup, qui dit, si vous avez quelque chose de vraiment important à faire, demandez à quelqu'un qui n'a jamais le temps, et il trouvera les moments de le faire. Et donc, c'est un petit peu ma philosophie de vie, malheureusement. Mais bon, après, je suis heureuse, hein, je peux pas m'en plaindre, donc voilà. Je peux vous proposer quelque chose à boire ? Sommes-nous libres de nos habits ? Emmanuel Paul, Christine Robert. Enchantée, je suis Fanny. Je suis vraiment désolée, j'ai pris un Uber, il était moins le cas. Dress for success. Je viens de sauter la tyrolienne de la Tour Eiffel, donc on m'a dit ne mets pas de robe et je ne mets jamais de pantalon. Donc j'ai mis ma seule combinaison pantalon. Donc c'est très bête, mais c'est ma combi préférée. Pourtant je suis jamais en noir, mais c'est le seul noir que je porte. C'est une combi vintage que j'ai payé 10€ dans une boutique vintage des années 70 ou 80 avec épaulettes. Elle est en lin, elle tombe parfaitement. Et c'est ce que j'appelle, excusez mon anglais, le power outfit. C'est-à-dire quand je vais à un événement et que je ne sais pas trop si c'est un peu... décontracté ou habillé, mais en fait ça tombe tellement bien que je suis à l'aise, donc je me pose pas trop de questions, je peux relever le col, la mettre avec des talons ou alors avec des chaussures plates et je change complètement de silhouette. Donc c'est ce que j'appelle mon power outfit. Dress for success, pour nous c'est un mystère. Fanny Auger, qu'est-ce que ça veut dire que ce dress for success? Alors, c'est une expression que je n'ai pas inventée. Je crois que la première à l'avoir développée, c'est Edith Head. Edith Head, elle n'est pas très connue du grand public, néanmoins elle a eu 8 Oscars. C'était la costumière de l'Hollywood de l'âge d'or. Vacances romaines avec Audrey Hepburn, notamment. Breakfast at Tiffany. L'impossible Monsieur Bébé, enfin tous ces films de l'âge d'or. Donc elle a habillé Audrey Hepburn, Katharine Hepburn, Ava Gardner dans La Comtesse aux pieds nus, je crois. Et c'est elle qui a vraiment popularisé l'expression « dress for success ». Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que grâce aux vêtements, on va plus loin que soi-même ? Oui. Alors a priori, ça peut sembler un peu superficiel de se dire que des vêtements vont nous changer, mais je pense que effectivement, il y a toute une dimension psychologique. C'est se vêtir. C'est bien plus que juste une simple étoffe. C'est endosser un rôle, pourquoi pas, endosser quelque chose qui va nous vêtir. C'est quelque chose de très intime aussi, contre notre peau, qui est directement contre notre peau. Et c'est peut-être se donner de la force, se donner du courage, communiquer aussi. Dans mon cours, je parle de la communication non verbale, la communication visuelle qui, d'après des travaux d'Albert Mehrabian, qui ont été menés dès les années 70 aux États-Unis, constituerait 55% d'un message. La communication visuelle seulement, la manière dont on se tient, est-ce qu'on sourit. Et je pense que ça, on a tendance à ne plus forcément faire attention à la manière dont on se tient et dont on s'habille, ça va avec, mais on peut vraiment faire passer des messages avec la manière dont on est habillé, je pense. Par exemple, aujourd'hui, vous portez toutes des habits très colorés. Moi, d'habitude, je porte beaucoup de couleurs comme ça. En américain, en anglais, on dit bold, des couleurs franches, des couleurs vives. Et je trouve que c'est une manière d'affirmer qui on est et en même temps de se donner la pêche. Je trouve que il y a vraiment un langage des couleurs qui donne des vitamines. Voilà. C'est du cassis, joue bio cassis, ça vous va? Très bien. Ça va nous donner plein d'énergie. Excusez-moi. Ouais, je vais ouvrir un petit peu la fenêtre, non, parce qu'il fait chaud en effet. Voilà. Bon, je sais pas si c'est bon, hein. Vous posez de temps en temps? Oui, souvent. C'est pour ça que j'ai beaucoup des livres. C'est parce que je pense qu'il faut prendre le temps de dialoguer avec soi-même. Mais effectivement, les gens ne comprennent pas parce qu'étant donné que je fais beaucoup des choses et les gens pensent que je fais tout le temps beaucoup des choses. Et en fait, non, j'ai vraiment besoin de recharger mes batteries. Donc souvent, je disparais et je me réfugie chez moi. Mon dressing, c'est un petit peu aussi mon refuge. Donc. Et je vous accompagne. On passe par là. Ah, se trouve derrière ma bibliothèque. Il est caché, mais pas trop. Donc voilà. Voilà, bienvenue dans mon dressing. Il est tout petit, mais à une personne, on est assez à l'aise. Maintenant, il vous semble peut-être très rempli, mais je l'ai beaucoup rangé, j'ai beaucoup réfléchi, analysé sur tout ce que j'avais comme vêtements suite à mon séminaire Dress for Success, le séminaire que j'ai suivi de Fanny Auger à la School of Life. Ça m'a permis de me poser beaucoup de questions sur ma vie, et étant donné que la façon de s'habiller, c'est un petit peu la façon d'exprimer sa façon d'être et surtout son caractère aussi, ça m'a vraiment aidé, et je pense que ça m'a permis de faire un step. Et du coup, je dirais même que je suis devenue adulte très tard, parce que je suis un petit peu âgée là maintenant, mais ça m'a permis de devenir moi-même. Alors, Ginevra. Non, Ginevra, c'est ma grand-mère m'appelait comme ça, mais c'est Ginevra. Ginevra, ah pardon. Ouais. Ginevra. Oui, donc, comment on fait pour classer son dressing? Parce que vous dites que vous avez fait beaucoup de tri. C'est un magasin quand même ici. J'aurais dû faire une photo avant. Là, maintenant, c'est vide pratiquement. La règle que je me suis posée, c'est que maintenant, à chaque fois que je jette quelque chose, je dois jeter, entre guillemets, ou donner quelque chose d'autre. Donc vraiment, ça me permet de donner une certaine vie, continuité, et de faire vivre, faire respirer mon dressing avec quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose d'autre dont il faut se détacher. Je suis quelqu'un de très nostalgique, et du coup, souvent, j'ai des choses qui datent il y a 30 ans, qui appartenaient limite à ma grand-mère, mais que je les garde parce qu'on ne sait jamais. Moi, j'ai un manteau blanc juste au-dessus de ma tête. Ici, j'ai les manteaux et les vestes. Et là, c'est des vestes de tailleur, je ne sais pas comment on dit. Demi-saison. Voilà, comme ça. Mais même les vestes, celles que, comme des blazers. Ah. Ici, c'est les robes. Oui, c'est une robe qui c'est un achat très récent. Elle s'adapte à tout type de situations, de mon point de vue. Elle est en robe bleue, comme une petite robe noire, mais bleue. Marine, bleu marine. Bleu marine. Elle est tout à fait traditionnelle comme type de coupe, mais elle a quelque chose qui lui donne un point de distinction. Une petite chaîne dorée à la coupe des épaules, et c'est coupé du coup à l'américaine. Et c'est une robe super facile à mettre qui va à la fois pendant la journée avec des chaussures peut-être pas super élégantes, mais après si je mets des chaussures dorées que j'ai aussi ici, je peux les mettre le soir. Donc moi, étant donné que je suis quelqu'un, comme vous avez remarqué, que malheureusement a le défaut de faire plusieurs choses à la fois et ne pas prendre trop de pauses, j'aime bien les vêtements qui s'adaptent à différents moments, mais en même temps qui nous permettent d'être à l'aise. Une autre que j'aime beaucoup aussi, c'est celle-ci. Mais ça, c'est pour des occasions un petit peu plus spéciales. Ça, je l'ai mise juste une fois. Là, on est sur du, comme une soie bleue et, oui, c'est du bleu satin, et vert. Effectivement. Un satin. Ça aussi, par exemple, c'est une autre robe que je mets souvent pour des cocktails et trucs comme ça. Donc, qui est aussi colorée. Ça aussi, c'est polka. Dans votre travail, qu'est-ce qu'on vous oblige à mettre ? On ne peut pas m'obliger, on est quand même dans un monde libre. Je travaille maintenant dans l'horlogerie pour une marque italienne d'horlogerie. Il n'y a pas d'obligation vraie, il y a des codes plutôt que c'est bien de respecter, je trouve. C'est des codes qui font partie un petit peu de notre rôle parce qu'on représente des marques, notamment dans les domaines du luxe. L'image est très importante. Et donc, notamment, moi, je m'occupe de la communication. Moi-même, je dois être porteuse d'une certaine manière de ce qui sont à la fois les valeurs de la marque, mais aussi l'image et tout ça. Après, il ne faut pas cacher sa personnalité. J'essaye de trouver le bon équilibre entre ce qui est approprié et ce qui est ma personnalité. Quand j'enseigne ces cours sur Dress for Success, certaines femmes travaillent dans des milieux plutôt masculins où le dress code est encore très réglé. Alors en France, on n'a pas un dress code véritablement écrit parce que c'est pas autorisé par le droit du travail. Moi, j'ai vécu longtemps au Moyen-Orient où véritablement on a un dress code. On ne doit pas s'habiller de manière trop sexy, trop ostentatoire. On signe une charte où d'ailleurs il est précisé qu'on n'a pas le droit de parler politique, religion, et on ne doit pas s'habiller en petites bretelles, par exemple, pour venir au bureau. Néanmoins, ici, pour je pense qu'il y a des milieux comme si on est avocate, si on est dans la banque. Il y a encore des métiers où, même s'il n'est pas dit, il y a un véritable dress code et il n'est pas de bon ton de se faire remarquer. Alors si on a envie de le personnaliser un petit peu, on peut jouer avec les bijoux. En étant une femme, on a tellement de possibilités. Les pauvres hommes n'ont pas autant de moyens de s'exprimer par leurs vêtements que nous, finalement. Donc on peut ajouter une toute petite touche de fantaisie si on a envie. Puis parfois, on a aussi envie peut-être de passer de manière inaperçue. Donc cette question de « sommes-nous libres de nos habits ?» Vous, c'est une question que vous posez lors de vos séminaires et que vous vous posez tous les jours dans votre vie professionnelle. Oui, absolument. Et je pense qu'il faut être conscient du dress code. Si on est sage-femme, infirmière, hôtesse de l'air, on a même un uniforme à porter. Ensuite, dans certains milieux, il y a des dress codes qui ne sont pas forcément dits et écrits. Donc, c'est difficile parfois de comprendre la nuance, de comprendre la limite. Mais c'est important, parce qu'on ne peut pas tout révolutionner du jour au lendemain. Et puis après, je pense que c'est important d'exprimer un minimum de personnalité quand même, si on peut, donc si on n'a pas cet uniforme ou ce dress code très strict, dans sa manière de s'habiller. C'est un merveilleux brise-glace d'avoir un petit accident, d'avoir des boucles d'oreilles dépareillées, d'avoir une couleur vive qui attire l'œil et qui donne bonne mine. Ça peut être des manières d'aller vers les autres aussi. Donc on fait un audit un petit peu d'abord de son style. Est-ce qu'on est en adéquation aussi avec qui on est ? Il y a beaucoup de gens qui n'habitent plus leur corps et qui n'habitent plus leurs habits. Et je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est assez triste finalement. L'important, c'est d'être à l'aise. Moi, je dis souvent aux gens, je m'en fiche complètement de la manière dont vous êtes habillée et ce que vous portez. Je travaillais longtemps dans le luxe et je voyais des femmes s'habiller de pied en cap, en Chanel, en Ralph Lauren, en très grandes marques de luxe. Mais ça ne voulait pas dire pour autant qu'elles étaient à l'aise dans leur peau. Et on peut être habillée de manière très modeste, mais si on habite son corps et on habite ses vêtements, c'est la chose la plus merveilleuse, avoir une congruence entre les deux. Congruence ? Je ne connaissais pas le terme. Simplement être aligné avec qui on est et avec ce qu'on porte. Are you with me? Ça ça c'est très moderne, c'est presque un imprimé un peu c'est avec des couleurs un peu des années 50, avec du vert, des jaunes. Et moi j'adore ça parce qu'effectivement c'est un robe, je dirais, des caractères et qui après a un côté nostalgique comme moi, c'est mon caractère vraiment, et à la fois aussi moderne, contemporain. Et c'est une robe, je pense, pour quelqu'un qui a envie d'oser. Et parfois, on a envie d'oser, mais on n'a pas le courage. Donc, c'est suffit de se mettre en robe et boum, on y va. Are you with me? Est-ce que vous êtes obligé, vous êtes tenu à la séduction? Qui ne séduit pas? C'est pour ça que vous avez autant de robes dans votre garde-robe? Non, c'est non, parce que moi, heureusement, le travail n'est pas les 100% de ma vie. Donc, mais non, autant de robes, c'est parce que j'ai envie d'être... Bon, c'est peut-être mon envie dans le sens de liberté, mais c'est aussi des robes colorées, donc c'est liberté, joie de vivre, voilà. Ma robe en soie n'a rien en soie de déroutant, à peine moulante avec un nœud sur le devant. Mais quand je pose ses reflets roses virent au violet, et son volant vient froufrouter sur mes mollets. Ma robe en soie, ce n'est pas moi qui l'ai choisie. C'est une légende comme un bijou dans la famille. Elle a connu Baden-Baden, la Riviera, Monte-Carlo, la belle époque, l'Eldorado des casinos. Ma robe en soie est aux abois tous les samedis. Quand je l'enfile, je sens ses fils qui s'émoustillent. Ma robe en soie n'a rien en soi de déroutant. Sauf dans mes rêves, tu la soulèves si tendrement. Ma robe en soie, tu la soulèves si tendrement. Ça va? Bien. Bonsoir, bienvenue à Villeport dimanche prochain. Je suis Michel Truquet du Bouquet du Nord. Je suis ravi de vous recevoir dans mon canapé Villeport dimanche prochain. Les lacets roses, je vais voir, c'est magnifique. C'est pour une interview? Non, on s'interroge sur Sunshine, mais ils font pas de vêtements pour hommes, ça vous intéresse pas? Ah non, mais écoutez, moi, enfin, je suis encore un homme, j'ai pas été opéré. Non, ils font que des vêtements pour femmes, Sunshine. Et pour un mariage, vous avez vu? Alors, des gens y venir? Ah, des mariés, j'en ai vu, des divorcés encore plus. Mais il y a plein de boutiques là, en remontant pour les mariages. Ça y est, elle est en train de m'enregistrer. Hé, hey, chouchou, je vais passer à la radio, enfin je vais être reconnu. Qu'est-ce que vous mettez quand vous n'êtes pas en tenue de travail? Parce que là, vous avez votre tablier de serveur. Oui. Quand vous êtes pas en tenue de travail? Ah, j'aime bien porter un costume, une belle cravate, une chemise, des fois en jean. Mais j'aime m'habiller. Quand je vais au théâtre, je m'habille. Des fois, on dit, tiens, il a l'air un peu bizarre celui-là. Maintenant, quand on est habillé, on vous regarde avec des yeux. Mais j'aime bien. J'aime la mode. Vous avez une petite pochette? Oui. Pochette, cravate, bouton de manchette. Épingle de cravate? Non, ça j'aime moins. Mais les boutons de manchette, oui. La cravate, oui. La lavalière, encore mieux quand on va à l'opéra. Et les chaussures? Ah, toujours assorties. Et chaussettes en fil d'Écosse? Oui, que du fil d'Écosse. Est-ce que vous avez... Et pas Made in China, j'ai horreur des fringues Made in China. Moi je fais travailler les fabricants français. Madame, ça vous intéresse? Venez. On parle chiffon. C'est pas grave. Est-ce que vous avez je sais plus comment ça s'appelle, pour faire tenir ces chaussettes pour éviter qu'elles ne tirent bouchonne? Oh non, ça non. Oh non, quand même. On est au 21e siècle, enfin. Non, non. Par contre, des bretelles de temps en temps pour une soirée, ça peut être très sympa, même à un mariage, à une communion. J'aime bien les tenues. Bon chic, bon genre, et parfois un peu décalé en fonction du lieu et du moment. Mais il faut porter des toilettes, il faut s'habiller. Parfois en jean, parfois en costume, mais il faut s'habiller. Voilà. Et chapeau, haute forme, panama. Chapeau melon et bottes de cuir. Non, chapeau, j'ai pas une tête à chapeau. Non. Écharpe, foulard. Oui, ça oui. Écharpe, foulard, mais pas... Non, chapeau, j'ai pas une tête à chapeau. Et c'est grand chez vous pour mettre tout ça? Bah, j'ai 75 mètres carrés, enfin à 57 ans. Heureusement quand même que j'ai 57 mètres carrés dans Paris. Je travaille depuis l'âge de 16 ans. Mais je veux dire, vos placards et votre dressing, c'est une part importante de votre maison, enfin de votre appart? C'est une partie importante, mais c'est pas la partie la plus importante. La plus importante, c'est la cuisine, salle à manger, la convivialité. Voilà. Mais j'ai aussi une armoire qui est très bien rangée. Affaire d'été, affaire d'hiver. Voilà. Et votre prénom? On peut avoir votre prénom ou pas? Alain, du Bouquet du Nord. Merci, mon Alain. Surnom, c'est Craquinette. Merci, Craquinette. On va voir les robes de mariée. Alors qu'on donne dans ce style-là, il y a une gamme. Vous êtes grande ou vous avez déjà des talons là? Non, c'est parce que je suis grande, je fais 1m75 alors. Bah, en fait, c'est pour le mariage de mon cousin Germain. Donc il m'a dit de porter du vert, donc pour être la demoiselle d'honneur, alors donc je mets du vert. Alors, vous pouvez décrire le modèle que vous avez choisi? C'est un modèle, il y a un petit peu de dentelle, s'il y a du vert, il y a un petit peu de ramage, il y a des petites fleurs, des petites perles. C'est un petit peu décolleté sans être décolleté. Et elle est longue. Il y a un voile, ça fait comme un voile, donc avec quand même des broderies. Et il y a une coquetterie parce qu'il n'y a qu'une seule manche. Oui. Et l'autre. Et puis l'autre, c'est à l'air. C'est à l'air. Et vous vous sentez comment? Elle est bien, elle est pas mal, je pense. Elle est pas mal. Et pourquoi il veut du vert, votre cousin? Eh bien, comme ça, il a décidé que tous les demoiselles d'honneur doivent être en vert. Donc, tout le monde est en vert. Et chaque demoiselle d'honneur a le droit de choisir. Elle choisit n'importe quelle robe, mais il faut qu'elle soit en vert. Mais c'est beau, le vert, ça vous va bien? Ah oui, c'est joli. Voilà, ça, c'est mieux. C'est cliqué sur l'article. Hein. Voilà. Merci, madame. Ce qui est marrant, c'est que tu as vraiment l'impression d'être dans un temple, chez une princesse orientale, version Abu Dhabi, un faux air de festival de Cannes, mais abordable. Tout d'un coup, un monde de beauté, de ce qu'on voit sur le tapis rouge, qui t'est accessible, on va pas donner les prix, mais c'est... Moi, je trouve que ça fait rêver, je pense que c'est un lieu qui fait rêver. Ça renvoie que les éclats. Là, pourtant, on est sous des lumières artificielles. Ça brille de partout. Donc forcément, au milieu d'une soirée, t'es la vedette. Tout est extrêmement coloré. Du rouge, du bleu, de l'or, du pastel, du turquoise, du vert, des fleurs, des motifs géométriques, des fausses robes d'inspiration années 20, courtes, perlées. Et c'est extrêmement féminin. Tout est extrêmement féminin, même les robes, il y a de l'élastisme qui va tenir les formes. On sent bien que tout est fait pour une mise en valeur de la féminité. Les épaules ajourées, beaucoup de travail de décolleté, de bustier, de fente. Et c'est pas vulgaire. Oui. Ah pardon, excusez-moi. Et ça aussi c'est pareil? Non, ça c'est 20 euros. Celle-là. Après voilà, vous pouvez casser avec du noir ou de l'argenté. Non, ça fera mieux. Ouais, l'argenté, c'est comme elle est. Attendez, je crois que j'en ai reçu. Attendez. Là, c'est pour un cadeau? Ouais, c'est un cadeau. Pour qui? Une amie, elle est en Afrique, elle va faire son mariage civil. Donc elle m'a demandé une robe pareille. Elle m'a donné un modèle, donc je me suis référée à ça. Elle est très belle, hein? Oui. On est sur quoi là? On est sur du saumon, pailleté d'argent. D'argent, ouais. Une robe longue? Oui, longue. C'est mieux pour la cérémonie. Elle est aussi élancée, donc ça va aussi avec sa taille. Et vous avez pris un sac assorti? petite pochette. Une ouais, petite la pochette. Pochette, une petite pochette. Donc je pense que ça va faire du pair avec la robe. Et ça va avoir lieu où, le mariage? C'est à Kinshasa. Donc ça va, aujourd'hui, il y a une personne qui va à Kinshasa demain matin, donc il va porter la robe. Et vous, vous y allez au mariage? Non, je ne serai pas là. Malheureusement, j'ai mon bébé, donc je ne serai pas là. Ok. Merci. Ok, au revoir. Alors, 69 et 10, 70. Vous avez repéré plusieurs modèles dans le magasin? Oui, oui, j'ai repéré l'autre là aussi qui est en blanche, qui est jolie. Derrière, celle-ci, oui. Elle est très jolie, mais ce qu'il y a, c'est que bon ben, il n'y a pas de verre non plus. Mais... Ah, mais là, il y a trop de paillettes. Ah non, non, non, non, il y a trop de paillettes. Et là, c'est quoi? C'est en blanc aussi, ça. Ah oui, c'est joli, mais c'est blanc. Bon, c'est la première fois que vous achetez une robe du soir? Non, non, tous les ans. Enfin, tous les ans. Plutôt tous les 6 mois, parce que tous les 6 mois, il y a un mariage, il y a un baptême et quelque chose. Je viens toujours ici. Ça veut dire que dans votre garde-robe, vous avez une collection de robes de soirée? Ah oui, j'en ai plus de 30, oui. 30? Vous avez quel âge, sans indiscrétion? J'ai 30 ans. 30 ans, 30 heures du soir. Voilà. Je me dérange de Sergi Pontoise pour venir jusqu'ici. Alors, ça fait beaucoup. Écoutez, ça vous va très bien. C'est super. C'est... Merci. Bon, on n'arrive pas de quoi. Au revoir. Allez, au revoir, mesdames. C'est bon? Allez. Ah, tiens-moi ce truc. Tiens-moi ça, là. Solide. C'est la gaine scandale. Le code commun à toutes les modes, c'est le maintien du corps. Et à partir du moment où le corps est maintenu, on se sent libre. Mais mademoiselle, vous plongez en gaine? Évidemment, puisque c'est une gaine scandale. Ça, voilà, c'est un peu ma vie. Laetitia Schlumberger. Je dois pouvoir faire un diaporama. Tant pis. Corsetière. Alors là, donc ça c'est pour une cliente d'Ina JSR, fabuleuse, une créatrice libanaise, pour qui j'ai travaillé jusqu'à l'année dernière. Donc là... Justement, l'idée, c'était de faire de la robe de cocktail. Hein. Donc, Liban, le soir, beaucoup de sorties, quelque chose d'assez exceptionnel. Et ici, on retrouve donc des tailles marquées, des volumes qui ressortent. Ici, tout le secret est dans la robe. On a l'impression que c'est une espèce de grande couverture qu'on a entourée autour de son corps. Mais en fait, c'est tout ça extrêmement structuré à l'intérieur. Là, c'est avec Hubert Barrère, donc on a ici un corset fait pour Dolce & Gabbana. Corset qui est comme une carrosserie en métal. Exactement. C'est des conquérantes. La taille est très serrée, ouais. Mais il y a du lassage derrière. Non, mais l'idée est d'avoir la taille très serrée. Ça, c'est pour un créateur, c'était un corset de jambes, parce que ça peut être ça aussi, la corsetterie tout d'un coup. La botte, la chaussure, l'accessoire. Yann Tamignao, donc là c'était plus spectaculaire, mais d'une structure de corset, on avait inventé un nouveau tailleur. On a voulu créer une robe qui donne le boost. Et qu'est-ce qui nous donne la pêche, nous? C'est quand on ne va pas avoir de doute sur l'image qu'on donne, qu'on ne va pas avoir de doute quand on a besoin de s'asseoir, si ça commence à déborder tous les côtés, ce n'est pas possible, va nous faire l'effet d'une paire de talons, c'est-à-dire que tout d'un coup, on se sent mis en scène, on se sent maintenu, mais on se sent aussi soutenu au sens propre de la robe, c'est-à-dire qu'on se sent soutenu par son vêtement, on n'est pas abandonné par son vêtement. Donc il y a un grand zip pour l'ouvrir. Et à l'intérieur, il y a un système de gaine. Voilà, un tissu gainant qui est en tulle technique. Il a fallu simplifier au maximum, bien sûr. Donc ça a l'air très sobre, mais tout est quand même relativement pensé. Elle s'arrête pile au bon moment pour que la cuisse ne soit pas coupée au mauvais endroit. On connaît, on sait de quoi on parle. Elle s'arrête pile au bon endroit aussi pour que la taille ne soit pas compressée, mais qu'on sente juste assez pour se tenir droit. Voilà, c'est et le zip, oui, il fait aussi écho à la colonne vertébrale. Hein. Hop, on se zip. Vous connaissez cet exercice de musculation du périnée. Zut, on se zip et tac, on redevient femme, finalement. La liberté, c'est aussi ça. La liberté, c'est pouvoir, quand on le décide, enfiler le bon vêtement, se gainer pour tenir plus longtemps, finalement. Parce que ne pas être gainé, c'est la dégringolade. Voilà. Un autre temps, Suélène. Ta robe rose est charmante. Oh, maman, je pourrais assister au bal demain soir. Tu porteras mes grenats comme Paris. Pourquoi ne veut-on pas que j'assiste au bal demain soir? Scarlett, je te trouve l'air fatiguée. Tu m'inquiètes, ma chérie. Je me sens très bien, maman. Oh, pourquoi ne veut-on pas que j'aille au bal demain soir? J'ai 13 ans, maintenant. Tu pourras assister au pique-nique et rester souper avec les grands. La sale robe verte, je te la laisse volontiers, sale chipie. Oh, fiche pas la prière, mes petites. Tenez-vous bien. N'expiez pas. Maman, voilà de manger ma belle. Je peux tout remporter. À la cuisine, je n'y toucherai pas. Vous aussi, vous mangerez. Vous mangerez jusqu'à la dernière bouchée. Mais non! Allons. Moi, je suis passionnée du corset et puis je l'ai découvert un peu comme ça par hasard. Et aujourd'hui, je ne fais pas que ça, mais... C'est lui qui a donné beaucoup de liberté, finalement, à la création, parce qu'aujourd'hui, on fait des corsets souples, on utilise des matières extrêmement techniques, qui font que, du coup, c'est hyper respirable. Aujourd'hui, le corset moderne, c'est peut-être le Spanx, hein, qui va donner la liberté à la femme de pouvoir, finalement, avoir une silhouette un petit peu plus gommée, avoir un corps un peu moins... avec un peu moins d'exigence, quoi. Ça excuse un peu de gras, voilà. On va avoir le droit, maintenant, grâce à ça. Et le spank, ça vient du corset. Oui, c'est vrai, il n'y a pas d'armature et tout, et c'est vrai que les armatures, c'est un petit peu trop, c'est plus pour le spectacle, mais... C'est quoi le spank? En fait, c'est inspiré de la gaine, donc inspiré du corset, puisque la gaine découle directement du corset. C'est une Américaine, je crois, qui a créé ça. Et qui est partie de l'idée qu'en fait, elle se rendait compte qu'elle était très très bien dans ses collants en plein hiver. Et même de ses collants anti-varices. Hein. Donc elle a décidé de couper les pieds pour pouvoir les porter sous ses pantalons. Et puis après, elle s'est dit, en fait, il faudrait porter ça tout le temps, parce qu'on se sent trop bien. Vous savez bien qu'il y a parfois des moments où vous avez besoin de mettre du rouge à lèvres pour vous sentir bien, ou d'une paire de talons pour être à la hauteur, non pas à la hauteur plus grand, mais vous sentir en représentation. Eh bien, on a parfois aussi juste besoin d'avoir son corps tenu. Et le spank, c'est un soutien-gorge pour ailleurs, quoi. Vous entendez en ce moment une voix féminine décrire les charmes d'une gaine ou d'un corset. Je ne sais plus exactement comment il faut dire, parce que avant, quand on prononçait le mot de corset, on voyait quelque chose de dur, de méchant même pour une femme. Ça faisait en plus très 1900, très, très sanglé. Et maintenant, j'ai vu que la Fédération Nationale des Industries des Corsets présentait des corsets. On n'a pas honte de le dire. Alors, Monsieur Libron, puisque vous représentez cette industrie, expliquez-nous un petit peu. On n'emploie plus le mot gaine ou on n'en fait plus de gaine? Mais si, au contraire, on emploie beaucoup plus couramment le mot gaine que le mot corset. Seulement, en réalité, la gaine est le corset moderne, c'est-à-dire que c'est le corset de 1956, alors que le mot corset, nous l'avons abandonné pratiquement en 1920. Alors, voyons, que porte-t-on cette année comme forme? Eh bien, écoutez, les formes... Le une pièce ou deux pièces? Beaucoup d'une pièce. Énormément de combinés, ce que nous appelons le combiné, ce que les Américains appellent le all-in-one, c'est-à-dire tout en un, et qui forme à la fois la gaine et le soutien-gorge. Maintenant, il y a évidemment également une tendance pour sous les robes du soir, pour avoir un soutien-gorge qui se prolonge par une petite guêpière, quelque sorte, qui se termine elle-même par un volant de lingerie, qui soit en dentelle, qui soit en tulle, qui soit même en indéformable, et de manière à faire un déshabillé très coquet. Qu'est-ce que c'est que ce petit signe que vous me faisiez tout à l'heure? Oh, mais oui, je m'étonnais de voir tant d'hommes dans l'assistance. Je ne savais pas qu'il y avait tellement de journalistes hommes qui s'occupaient de la presse de l'élégance féminine. Eh ben, je vais vous faire une confidence. Quand on présente des robes, quand on présente des chapeaux, quand on présente des chaussures, on ne voit jamais beaucoup d'hommes de la presse. Et puis quand on présente ce genre de collection, si vous voulez, eh ben, ils sont tous là. On ne sait pas où ils sont, d'habitude. Bon, Bonjour Audrey, bonjour à tous. Sexisme à l'Assemblée nationale, deux femmes députées, agacées par le comportement machiste de certains de leurs confrères, ont organisé hier au Palais Bourbon une journée de la jupe. France Inter. Rien ne changeait dans les couloirs de l'Assemblée. Journée de la jupe ou pas, les femmes députées préfèrent visiblement le pantalon. Au mieux, l'initiative a fait sourire quelques messieurs. Parmi eux, le député de la majorité, Bernard Debray. Moi, en rigolant, je me suis dit, bah, écoutez, je vais venir en kilt. Chiche. Non. Plus sérieuse, Valérie Boyer, à l'origine de cette journée, vêtue d'une jupe noire à pois blanc, une tenue pour dire qu'elle se sent l'égale d'un homme au Palais Bourbon. On n'a pas forcément des collègues qui sont malsains ou pervers et qui sont là pour nous embêter, mais qu'on est là pour travailler, qu'on soit des hommes ou des femmes, qu'on porte des jupes ou des pantalons. Changer de comportement et offrir une vraie parité, peut-être. Mais là déjà, ça coince. Jacques Millard, député UMP, refuse de donner son fauteuil à une femme. Mais qu'elle se démerde, qu'elle se présente au suffrage universel. Je vous rappelle que dans le suffrage universel français, il y a une majorité de femmes. Le pouvoir, ça se prend, ça ne se quémande pas. Madame Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement. Monsieur le Président... Allez, écoutez. Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement, monsieur le député Fromentin. Je voudrais vous indiquer que sur ce qui concerne le Grand Paris, qui est un projet qui concerne des millions de Français... Quand la malheureuse Cécile Duflot est venue à l'Assemblée nationale avec une robe de style 50, comme en portait ma maman, avec un imprimé fleuri, et qu'il y avait tous les hommes de l'Assemblée nationale qui étaient là à pousser des cris de chiens... on aurait dit des adolescents en rut, excusez-moi, je veux dire, c'était pas Marilyn Monroe qui chantait Happy Birthday, Mr. President, avec une robe transparente, vous voyez, c'était Cécile Duflot dans une robe de cotonnade, enfin, il faut quand même garder un peu le... Donc, c'était ridicule. Mais peut-être parce que c'est la cotonnade qui pose problème. Dominique Gaulle, c'est la cotonnade qui n'est pas à la hauteur de la fonction. Non, je crois pas du tout. Je crois pas du tout. Je crois qu'en fait, il y a un problème. J'en avais discuté avec Madame Guigou, que j'avais interviewée à ce sujet. Elle m'avait dit, écoutez, pour une femme politique, elle est toujours trop ou pas assez. Voilà, c'est pas compliqué. Elle a jamais le vêtement qu'il faut quand il faut. Donc, elle m'a dit, moi, quand j'ai commencé, on n'avait pas le droit de se mettre en pantalon. Hillary Clinton a parlé une fois de la grande fraternité, enfin de la sororité, du tailleur pantalon. Elle m'a dit, mais attendez, Elisabeth Guigou me dit, mais attendez, le tailleur pantalon, mais c'est magnifique, nous on a adoré ça. Parce que imaginez-vous, vous partez le matin, en général vous partez de chez vous vers 6-7 heures quand vous êtes ministre, vous allez peut-être prendre l'hélico, machin, etc. Vous montez, vous descendez, vous faites des discours sur une estrade et vous avez toujours trois imbéciles au premier rang qui essaient de regarder sous votre jupe. Bon. Vous êtes en tailleur pantalon, vous êtes toujours impeccable. Et s'il pleut, vous n'avez pas non plus des grands trucs de bouillasse sur les collants, sur les mollets, etc. Je me dis, c'est très pratique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Un des plus beaux exemples, me semble-t-il, enfin, moi, ce que j'ai vu, un des plus beaux exemples, c'était Madame Simone Veil, qui s'est toujours baladée avec des vestes Chanel fermées jusque-là, en tweed. Ce genre de vestes qui sont presque des armures, qui cachent tout, qui gomment tout. Madame Simone Veil, qui était quand même une très belle femme. Il y a aussi tous ces corsages avec ces belles lavalières qui la protègent aussi. À chaque fois, elle met des écrans entre elle et les interlocuteurs. Tout à fait, mais c'était la mode des femmes politiques de l'époque. Hein. Je me souviens aussi avoir rencontré, comment elle s'appelait cette redoutable, Marie-France Garraud. C'était le même modèle. C'est d'ailleurs en tweed classique, Chanel, fermé, avec la ganse autour, les boutons un peu dorés, travaillés, bijoux, machin. La jupe droite, au genou, les collants un peu épais, enfin, voilà quoi. Donc la première qui a fait une sorte de tentative folâtre, hein, je dirais que c'est... C'est Ségolène Royal. C'est la première qui a montré que... Elle pouvait avoir un décolleté, qu'elle pouvait avoir une taille, qu'elle avait des jambes, qu'elle pouvait avoir des jolis cheveux, etc. Mais elle n'était peut-être pas prête à ça. Parce que pour le débat présidentiel face à Nicolas Sarkozy, elle avait fait marche arrière. Donc il y a toujours elle quand même... Elle devait pas être à l'aise. Et je pense qu'on avait dû aussi lui faire des réflexions. Eh bien, William a gagné, hein. Vous êtes là pour nous parler du discours d'Edith Cresson. J'ai envie de vous demander, Madame Alliot-Marie, d'abord, comment vous avez trouvé le look d'Edith Cresson. Est-ce que vous avez aimé sa veste pied de poule et sa façon de retrousser les manches avant d'attaquer? Écoutez, moi, ça m'ennuie beaucoup, vous me parliez de ça, parce que je crois que Edith Cresson est Premier ministre, et c'est le Premier ministre que l'on a jugé. Le reste, les détails vestimentaires, on peut en parler. Vous voulez qu'on parle de votre cravate, elle vous plaît? Elle est pas mal. Ce sont des milieux qui sont très durs, hein, je dirais, très, très honnêtement, vous imaginez pas. La dureté, la mesquinerie, les réflexions, entre guillemets, à la con... Barack Obama, vous en parlez dans votre livre « Les habits du pouvoir », Dominique Gaulm. Barack Obama, quelque part, a osé retrousser, apparaître avec des manches retroussées, c'était magnifique. Rouler ses manches, mais qu'est-ce qu'on fait mieux que Barack Obama qui roule ses manches? Rien. Mais il le fait, un, parce qu'il est un homme, deux, parce que à ce moment-là, il est en posture de pouvoir accéder à la place la plus haute sur l'échiquier politique mondial. Écoutez, très honnêtement, mis à part le fait que les gens s'habillent à peu près en uniforme, mais qu'ils ont choisi d'eux-mêmes, il y avait eu un sommet du G7 et on voyait la photo, c'était ahurissant, quoi. Ils sont tous en bleu marine, tous, avec une cravate bleue. Il devait y avoir deux qui ont une cravate rouge, il devait y avoir le président américain et puis peut-être je ne sais pas qui d'autre. Et puis au milieu, il y avait Angela avec sa veste de tiers turquoise. Et tous les hommes étaient habillés pareil. Et ça, c'est quand même d'une tristesse totale. Enfin, je veux dire, c'est... Mais Angela Merkel, elle ne peut plus maintenant revenir en arrière. Mais écoutez, elle avait mis, une fois, elle avait testé pour aller à Bayreuth, non? Elle avait une sorte de robe du soir, décolletée, extraordinaire. On se dit, Angela, c'est toi? Ça fait un côté comme ça. Bonsoir, parlez-moi d'argent, il n'y a que ça qui m'intéresse dans ce monde si merveilleux. Une émission de Christine Amazière, Philippe Labrousse. Ce soir, pour parler gros sous, une personnalité politique, Yvette Roudy. Yvette Roudy, bonsoir. Bonsoir Christine. Yvette Roudy, vous avez dit, quand vous étiez ministre, j'ai compris beaucoup de choses, j'ai appris à vivre. Alors ça veut dire qu'avant vous ne saviez pas vivre, parce que depuis, paraît-il que vous habillez chez Scherer. Je ne m'habille pas que chez Scherer. Mais enfin quand même. Il y a aussi Ferro, il y en a aussi d'autres. Alors pour quelqu'un qui gagne 12 000 francs par mois, comment peut-on s'habiller chez Scherer et chez Ferro? Ah ben, c'est-à-dire que j'y vais moins souvent maintenant. J'y vais moins souvent, mais je m'en accommode quand même. Alors donc vous reprenez vos assiettes ailleurs? Ben, c'est-à-dire que quand vous en avez suffisamment, il suffit de les renouveler une ou deux fois par an, et puis d'établir un roulement. Quand vous savez que vous n'allez pas pouvoir rentrer chez vous pour vous changer, il vaut mieux quelque chose qui puisse être convenable toute la journée. Donc j'ai appris que le tailleur, par exemple, c'était la chose la plus pratique. Oui. Et les chaussures noires aussi, la chose la plus pratique. Oui, il faut avoir des vêtements de base. Il faut avoir des vêtements de base. Il faut avoir un fond avec... Un fond de roulement. Mais ça, vous ne le saviez pas, ça? Je n'y pensais pas. Ça, c'est des trucs de bourgeoise. C'est quelque chose qui... Ouais. Oui, absolument. Ouais. Je me souviens, à l'époque, je travaillais dans un magazine qui a disparu depuis, qui s'appelait Contemporaine. Il y avait une couverture avec Elisabeth Guigou. Et à l'époque, elle était ministre des Affaires européennes, quelque chose comme ça. Et elle était dans un très joli petit tailleur Saint-Laurent, variation, rouge cerise, enfin bon. Elle m'a dit, mais ça, je pouvais le mettre parce que j'étais à l'Europe. Parce que quand on est dans un milieu diplomatique, on peut s'habiller, les femmes peuvent s'habiller, elles peuvent être coquettes, etc. Elle m'a dit, mais après, quand j'étais à la justice, c'était terminé. Il n'était pas question de ça. Elle m'a dit, c'est là d'ailleurs que Rachida Dati n'a pas compris du tout où elle était. Elle m'a dit, parce que quand vous êtes à la justice, vous êtes sur de la douleur, vous êtes sur de la peine, vous êtes sur des choses très difficiles. Donc il n'est pas question d'arriver avec des stilettos de 10 cm, une petite robe super moulante, etc. Elle dit non. Elle me dit pour des tas de raisons. D'abord, si vous êtes dans une prison, les hommes en prison, c'est pas non plus une bonne idée de se balader comme ça. Elle disait en plus, vous avez affaire au personnel pénitentiaire qui doit être à peu près le plus bas sur l'échelle des salaires de la fonction publique. Donc si vous arrivez avec des chaussures qui coûtent déjà 2 mois de salaire, il y a un truc qui va pas du tout. Et elle me dit, bon, voilà, Rachida, elle s'est un petit peu fourvoyée. Mais... Pardon? Quel est votre dernier achat que vous avez fait qui vous a paru très cher, Yvette Roudy? Vous avez dit, flûte. Quand est-ce que j'ai dit, mon Dieu, comme c'est cher, mais je l'achète quand même. Une paire de chaussures. Une paire de chaussures. Oui, c'est celle que vous avez voilà. Met le pied sur la table. Et alors, je ne sais c'est pas celle-ci. Rapprochez-vous du micro, il va être dit. Oui, oui. Il fallait que je vous montre mes chaussures. Oui, j'ai vu vos chaussures, elles sont très jolies. Oui. Et je ne sais pas combien je les ai payées. Je les ai achetées le mois dernier. Elles sont jolies. Sur un coup de foudre. Oui. J'ai vu ces chaussures. Je me suis dit, je rentre, je les essaie, si elles me vont, je les prends. Et je les fais. Et je ne sais pas combien je les ai payées. Oh. Mais j'ai trouvé que c'était cher. Mais vous ne vous souvenez même pas combien vous avez payé non, vos chaussures ? Non. Vous êtes un panier percé, non, vous, alors ? Peut-être que c'est 1000 francs ou quelque chose comme ça. Oui. Mais j'ai aussi appris autre chose, qu'il ne fallait pas hésiter quand vous étiez très bien dans des chaussures, parce que c'est indispensable. Si vous n'avez pas de très bonnes chaussures, vous pouvez être très malheureuse. Donc il est indispensable d'avoir de bonnes chaussures. Il ne faut pas hésiter à acheter de bonnes chaussures. Yvette Redi, merci beaucoup pour ce conseil qui est très important et nous ne savions pas du tout. Vous le saviez certainement qu'acheter bon marché, quelquefois, ça coûtait très cher. Vous aimez la mode ? Bah oui. Comment vous la suivez ? Bah à la télé, dans des magazines. En fait, j'aime être à part en fait. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce qui est mieux ? Que ce soit décontracté ou que ce soit chic ? Les deux. En même temps, un peu sexy. Vous lui en demandez beaucoup quand même aux vêtements. Par rapport aux vêtements, je suis trop compliquée. Vous choisissez la robe pourquoi ? C'est pour une fête ? Oui, elle a une fête. C'est juste là pour l'accompagner, en fait. C'est pourquoi cette fête ? Ange ? C'est une fête de quoi ? De mariage. Et c'est une copine à vous qui se marie ? Oui. À travers le rideau, on voyait que vos pieds. Ah. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi ? En fait, j'avais déjà flashé sur la robe noire. Mais celle-là, elle m'a un peu plu, mais non, je vais prendre la noire. Vous allez prendre celle-là, la rouge en noir. Ouais. Ça, c'est très Marilyn Monroe dans... Comment épouser un milliardaire ? Elle a une grande robe rouge comme ça. Ouais. En fait, des robes rouges, ça fait glam, mais celle-là, elle est trop simple, en fait. Mais c'est pas mal. Mais en noir, c'est mieux. Parce qu'en noir, il y a un truc genre... Un broderie, un truc comme ça. Donc ça fait encore... Ça la rend encore plus sexy. Ah oui ? Ouais. Est-ce que c'est des fossiles ? Des vrais cils ? Des faux. Des fossiles ? Ouais. Des fossiles et des faux cheveux. Ouais. Et donc pour le mariage, vous allez être comment ? Vous allez aussi mettre des fossiles ? Oui, obligé. Obligé ? Je vais faire un chignon, je vais mettre mes talons. Vous aimez bien vous faire belle ? Oui. Bah, toute femme aime se faire belle. Par quoi vous commencez ? Le matin ? Le matin, quand je réveille, je prends ma douche, je finis, je mets une crème, un peu je me maquille, voilà. Je fais ma mise à beauté, en fait. Vous sentez libre quand vous vous habillez le matin ? Oui, très libre. Je prends tout mon temps. Vous n'avez pas de pression de vous dire « faut absolument que je m'habille comme ci ou comme ça ?» Ah non, pas du tout. Vous avez quel âge, Ange ? 24 ans. Merci, Ange. De rien. Au revoir. Au revoir. Fanny Auger, est-ce que parfois vous êtes fatiguée de tout ce jeu des vêtements ? Parce que ça prend quand même du temps et un certain espace mental que de construire ces tenues, d'y réfléchir, de savoir l'adéquation avec les personnes que l'on va rencontrer, les situations, etc. Est-ce que parfois vous sentez que ce jeu-là va s'arrêter ? Alors, moi je le prends vraiment comme un jeu. Donc, ça m'amuse et je trouve pas que c'est du temps perdu. Après, je me change pas 10 fois devant ma glace. Je m'habille en fonction de mon humeur. Je me lève en regardant le temps et puis en me disant, tiens, aujourd'hui, j'ai besoin de jaune. J'adore les couleurs et je trouve que c'est très important. Donc, je pars à partir d'une pièce, jaune, rouge, bleu, voilà. Vous me rappelez, il y a une directrice artistique dans une agence de publicité à New York qui a décidé un jour de faire un manifeste de sa mode à elle en disant « Je suis directrice artistique, mais j'en ai marre de passer 1 heure tous les matins devant ma glace à chercher comment m'habiller pour montrer à mes clients, à mes collègues que je suis créative. Ma créativité, j'ai envie de la mettre ailleurs. » Donc elle a fait un espèce de manifeste mode. Elle s'habille toujours de la même manière. Elle a une chemise blanche. Elle a opté pour un uniforme qu'elle porte tous les jours de sa vie. Et j'ai lu un article récemment dans le New York Times qui disait pourquoi Obama s'habille toujours de la même manière, et son explication c'est qu'il a tellement de choix stratégiques à faire dans une journée qu'il n'a pas envie de perdre de l'espace mental, j'allais dire, à se demander 10 fois le matin comment est-ce que je m'habille, quelle cravate je porte, et voilà. Moi, je suis de plus en plus, en vieillissant, à la recherche de l'uniforme. Je pense qu'on n'a pas de temps, on a besoin de ne pas être trompé par son vêtement, on a besoin d'être soutenu par son vêtement. Et du coup, le but, et c'est le but de beaucoup de créateurs, c'est de trouver son basique, son indispensable, et avoir une base dans son placard qu'on va pouvoir, avec de l'accessoire, donc le corset pourrait faire partie, ou le bijou ferait partie, rebooster des tenues. Mais aujourd'hui, il nous faut absolument une base de 3 robes noires, 2 pantalons, un jean, 2 chemisiers, 2 t-shirts, éventuellement un pull ou une veste pour voilà, pour être apte à toutes les situations. Ah, quelque chose que j'adore, c'est les chemises aussi. Mais ça, c'est l'Italie. Là, j'ai beaucoup de chemises blanches. En soie. En soie, parce que c'était dans ma phase où je ne savais pas comment m'habiller. Ah, je vous en montre une autre aussi après. C'est petit à pois, que j'aime beaucoup. Donc, dans cette penderie, il n'y a plus maintenant que des choses qui vous rendent heureuse. Absolument, et que des choses que j'aimais. C'est dans votre lit, le matin, que vous pensez à la tenue que vous allez mettre ? Ben oui, normalement, je regarde la météo et après, je viens ici et je réfléchis sur mes rendez-vous de la journée. Et c'est un petit peu mon moment à moi des calmes, des dialogues avec moi-même. Je me pose la question, qu'est-ce que tu veux obtenir aujourd'hui ? Et sur la base de ça, je vais m'habiller. Mais par exemple, demain matin, que j'ai mon avion à 8h, je pense que je vais m'organiser ce soir. C'est pas des vacances, malheureusement, mais bon, c'est des régates, parce que aussi, j'aime beaucoup la voile. Et j'ai là la chance de travailler pour Marc, qui travaille beaucoup, genre, qui investit beaucoup dans la voile classique. Ça, c'est des pantalons que je peux mettre. Ce sont aussi des pantalons assez larges, mais légers et assez élégants, parce que comme je suis là pour bosser. Ah, c'est ce que j'adore. Ça, je pense que je vais les amener. Here I go. Ça avec un chemisier blanc. Sommes-nous libres de nos habits ? Dress for success. Donc là, j'ai des shorts que je vais quand même porter parce que sur les bateaux, il faut porter. Hein, mais c'est. C'est petit à pois que j'aime beaucoup. Et après, je pense que je vais prendre aussi cette robe rouge parce que c'est toujours bien d'avoir une robe hyper classique, mais au moins elle est rouge. Vous voyez, c'est comme un... Au moins elle est rouge. Je pense pas que je vais l'amener celle-ci, mais ça, c'est la chemise aussi que j'aime beaucoup. Et après, je pense que je vais. Ah ouais, la chemise. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. Avec Dominique Gaulle, historienne, Fanny Auger, consultante en créativité, Laetitia Schlumberger, corsetière,